Plage 3, la relaxation. Ainsi, vous voici sur le point de retourner dans votre passé, à l'époque durant laquelle vous étiez enfant. Mais avant cela, vous devez sortir de votre quotidien et de votre statut d'adulte, vous détendre et apaiser vos pensées. Si des émotions intenses se présentent durant ces exercices, je vous invite à les laisser s'exprimer librement. Cela fait probablement trop longtemps qu'elles sont enfermées à l'intérieur de vous, et il n'en sera que plus salutaire de leur permettre de s'extérioriser. Rire ou pleurer n'ont jamais été une honte, mais plutôt des besoins. Alors, écoutez vos besoins. Pour commencer, je vais vous demander de vous installer confortablement dans un endroit calme et serein, où vous savez que vous ne serez pas dérangé ni par quelqu'un, ni par le téléphone. Pénombre ou lumière n'ont pas d'importance. Le tout est que vous vous sentiez bien. Je vous conseille de faire cette méditation dans la position assise, si cela vous est possible, afin de permettre aux énergies de mieux circuler en vous et d'avoir une respiration bien dégagée. Vous pouvez allumer une chandelle et de l'encens en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent. À présent, fermez les yeux. Vous ne les rouvrirez qu'à la fin de cette méditation. Prenez de profondes inspirations par le nez et expirez par la bouche, comme ceci. Encore. À chaque fois, vos inspirations sont de plus en plus profondes et vos expirations de plus en plus puissantes. Vos pensées et votre corps se calment et s'apaisent un peu plus à chaque respiration. Continuez encore un peu. Vous allez à présent focaliser votre attention sur vos pieds. Sentez-les se détendre progressivement. Vous êtes vos pieds. Toutes vos pensées sont en eux. Faites monter votre conscience dans vos mollets, tranquillement, progressivement. Eux aussi se relaxent, se déstressent lorsque vos pensées sont en eux. C'est autour de vos cuisses, vos hanches, votre pubis et tout le bas de votre dos sont désormais aussi légers qu'une plume. La sensation de pesanteur a totalement cessé dans toute la partie inférieure de votre corps. C'est autour de votre vessie, de vos intestins et de vos reins de se relâcher. Sentez-les vivre. Soyez en eux. Voyez chacune de leurs cellules virevolter, remplies d'énergie. Votre esprit est passé dans tous vos organes. Sentez votre colonne vertébrale s'alléger, comme si elle n'avait plus le poids de votre corps à supporter. Elle s'allonge, comme si un fil invisible partant de votre crâne vous étirez vers le haut.